la fille pour effacer une dette. Ce serait une mince petite affaire, c'est ce que je croyais. J'y croyais, ce sera simple d'aller là-bas. Dans cette statue qui surplombe Columbia, c'est ce que je croyais. Oh, tes yeux bleus m'ont foudroyé, mais j'ignorais totalement qui t'étais. Pour toi, j'aurais donné toutes mes vies. Se perdre dans l'infini. L'infini. Créer une ville qui toucherait les nuages, facile comme devenir prophète et sage, c'est ce que je croyais. J'y croyais, t'enfermé dans cette tour qui aspire les pouvoirs. Tu te laisseras faire matin et soir, c'est ce que je croyais. Oh, tes saluts de l'humanité, tu étais ma fille et ma protégée. Pour toi, j'aurais donné toutes mes vies. Oh, my. Pour se perdre dans l'infini. L'infini. Des huit comme stock, mais qui est qui? Qu'est-ce que je fous dans ce boui-boui? Avec mes plasmides, avec mes plasmides, des failles dans la nuit, des failles dans la nuit. Des huit comme stock, mais qui est qui? C'est un baptême qui le décide face à mon ennemi, face à mon ennemi, la vox populi, la vox populi, l'infini.